Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des Lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Et on continue l'exploration du roman porno de John Black Fox, Le cul de Cathy, qui est paru dans la collection Les Nouveaux Interdits aux éditions Média 1000. On se remet dans l'ambiance. Rappelez-vous, Cathy souffre d'ennui. Elle s'ennuie vraiment dans sa vie. Elle n'a aucun plaisir à rien, ni sexuel, ni quoi que ce soit. Elle se fait vraiment chier. Elle se dit même qu'elle va peut-être finir par tenter de se suicider. Mais avant, elle aimerait essayer un truc, essayer de faire vraiment prendre son pied à un mec. Et en essayant ça, bon, elle apprend à devenir une super suceuse, mais surtout, elle découvre un truc incroyable. Elle découvre que ce qui l'a fait grimper au rideau, ce qui lui fait circuler la vie, l'envie dans tout le corps, c'est qu'on baise son cul. Et alors là, ça va révolutionner sa vie. Je vous invite à réécouter le premier épisode si vous ne l'avez plus en tête. La découverte de Cathy, de cette capacité qu'elle a, et surtout de l'orgasme, ça vaut l'écoute. Alors, Cathy expérimente, bien entendu. Elle va se retrouver dans des hôtels pour aller voir des mecs, pour se faire baiser le cul à tout prix. Et puis, elle va aussi rencontrer Charlotte qui tient un sex shop. Et puis, à force d'y aller, elle va un peu sympathiser. Et la patronne du sex shop, Charlotte, lui dit qu'elle a un truc à lui faire essayer. Un truc qui va la rendre dingue. Une fuck machine qui va l'envoyer au septième ciel. Le chapitre que je vais vous lire parle de la découverte de Cathy, de la fuck machine. Et vous allez voir, c'est une fuck machine vraiment pas comme les autres. Alors, c'est parti, voici un nouvel extrait du roman de John Black Fox, Le cul de Cathy. La patronne du sex shop m'avait donné rendez-vous à 00h15 précise. Le French Fuck Theory était censé être fermé à cette heure-là. Ça me rassurait, car je voulais régler un point avant de m'engager dans quoi que ce soit. La dernière fois, j'ai oublié de vous demander le prix. J'avais prévu un budget d'une centaine d'euros pour le tour de manège sur la fucking machine. Un peu moins que le prix d'une passe. Tu peux garder ton fric. Mais ça veut pas dire que c'est gratuit. Comment ça? Cette machine ne connaît qu'une seule monnaie d'échange. L'exhibition du plaisir. Attendez, vous voulez dire que je ne serai pas seule? Oui, c'est même carrément l'idée. Je suis prête à payer le prix fort pour faire ça en solo. Si tu veux faire ça en solo, comme tu dis, eh ben tu rentres chez toi et tu t'enfonces un balai dans la chatte. Ici, t'es dans un sex shop, pas chez ton esthéticienne. Cette fille m'avait promis le Graal. Pas question de reculer. Bon, je pourrais quand même garder mon pull. Tu pourras même garder tes chaussettes si c'est comme ça que tu prends ton pied. Un sourire franc apparut sur son visage, vierge de toute ironie. Et si tu veux pas qu'on te reconnaisse, reprit-elle, t'auras qu'à mettre une cagoule. On va faire comme ça. Au fait, je m'appelle Charlotte. Cathy. Je n'avais pas été assez rapide d'esprit pour lui donner un faux nom. L'un de ceux qu'elle utilisait dans ses vidéos, par exemple. Parfait, Cathy. Ce soir, on va t'appeler... Elle eut un moment d'hésitation en me scannant de la tête aux pieds. « Camélia. C'est joli, une fleur de camélia. » Nous nous rendîmes dans l'une des pièces de l'arrière-boutique. J'y découvris un assortiment de tenues typiques de ce qu'on peut trouver dans un sex-shop. Costumes d'infirmière, de boniche, de nonne, sans oublier d'autres déguisements plus étranges encore. Il ne faut pas t'en faire pour le public. Imagine que tu montes sur scène pour un spectacle. Comme un numéro de cabaret? Si tu veux, parvint-elle à prononcer d'un rire grinçant, un élan de bonne humeur qu'elle perdit en moins d'une fraction de seconde. Je ne retrouvais pas la sympathie qu'elle me manifestait lors de nos précédents rendez-vous. Nerveuse, elle regardait son téléphone toutes les 10 secondes, quand enfin l'appareil sortit de son mutisme en crachant un petit chant de sirène. Elle me laissa seule face au miroir de maquillage, orné de lampes, qui m'éclairait comme une figure de sainte dans un tableau de Renaissance. J'avais le choix entre plusieurs modèles de cagoules. Je délaissais le latex peu pratique et optais pour de grosses mailles de nylon, non sans avoir hésité avec le masque à gaz. Il y avait aussi des masques d'animaux et de personnages de Disney, mais je ne me sentais pas à l'aise avec cette symbolique. Je me trouvais idiote en me regardant dans la glace. Je ne voyais aucune logique entre ma chatte ébouriffée, mon pull un peu trop large et cette cagoule noire. Alors j'enlevais mes vêtements et ne gardais que la cagoule. Ce simple accessoire jetait un nouvel éclairage sur mon identité et mon corps. Comme je ne portais aucun signe distinctif, ni piercing, ni tatouage, ni cicatrice, j'aurais pu être n'importe qui. La fille dans le miroir me paraissait belle, sûre d'elle, prête à commettre l'irréparable. Je la trouvais badass. Si j'avais été lesbienne, j'aurais eu envie de lui toucher sa petite paire de seins tendres. Des bruits de pas me sortirent de ma rêverie. La procession feutrée de mon public dans le couloir. Mon cœur se souleva pour la première fois de la nuit. Quand la porte s'ouvrit, je crus qu'il allait stopper net. Le regard de Charlotte me réanima. « Incroyable !» dit-elle en s'approchant de moi, la main en avant comme pour saluer mon corps d'une caresse sans contact, mais chargée d'envie. « T'es chaude ? Ou t'as encore besoin d'un peu de temps pour te préparer ?» Pour toute réponse, je me tortillais la main dans le dos pour saisir l'embase du plug que j'avais dans le cul. Je grimaçais pour le sortir et le posais au sol. Il trônait à côté de ma paire de tennis comme un petit sapin de Noël miniature. « Attends, tu veux vraiment faire ça par derrière ?» Je fis oui de la tête. « T'es sûre ? Parce que ça va secouer. » « Les autres ne sont peut-être pas faites comme moi » lançai-je d'une voix grave et assurée, comme si la cagoule qui recouvrait mon visage m'avait donné l'assurance d'une braqueuse de banque. « Ah ouais ? T'as quoi de différent ?»« Je ne sens les choses que par le cul. » « Ok, voyons ça. Suis-moi, » ajouta-t-elle avec une mimique de bouche en cul de poule. Dans la salle blanche, mon public se limitait à 3 personnes, masquées. La lumière ultra-bright m'empêchait de discerner leur genre. Charlotte dut procéder à un aménagement de la machine. Pour me la mettre dans le cul, il fallait remplacer l'espèce de siège d'accouchement par un module ressemblant à un cheval d'arçon garni de nombreuses lanières. Je m'y installai à plat ventre comme sur une moto. Elle présenta la machine au public en la décrivant comme une merveille de technologie. Son laïus évoquait un passionné de sport mécanique ou un concessionnaire auto. Elle ne dévoila pas mon surnom. Je n'étais qu'un élément annexe du dispositif. Je faisais face au vide, à un mur de plastique blanc sursaturé de lumière neutre. Mon cul, lui, était l'objet de toutes les attentions, comme une cible sur un stand de tir à la carabine. Lorsque le moteur démarra, je me mis à vibrer au rythme de la machine. Une trépidation électrique et subtile qui devint d'un coup plus saccadée. Mon sort désormais entre les mains de Charlotte, je sentis le god, dont je ne voyais ni la forme ni la taille, effleurer la surface de mes fesses. Je l'imaginais s'agiter dans le vide au bout d'une tige, d'avant en arrière, imprimant un léger mouvement de bascule chaque fois qu'il reprenait sa course. La vague caresse se transforma en franche pression, pile entre les deux lobes de mes fesses. Charlotte ajustait les derniers réglages avant que la mécanique triomphale me perfore avec toute la précision requise pour ce genre d'opération. J'étais prête à ce qu'elle m'expédie dans le point le plus chaud des enfers. J'espérais le meilleur, tout en m'attendant au pire, esclave des fantasmes délirants de la maîtresse de cérémonie. La bite de la machine, moins massive que ce que j'aurais pu craindre, tenta une première incursion à la lisière de mon trou de balle. Elle stagnait à l'entrée, comme pour chauffer une chatte récalcitrante, alors que j'étais prête à me faire défoncer le cul par un quart de rugbyman. Je sentais la pression de la mécanique sur l'ensemble de mon corps. Les liens s'incrustaient peu à peu dans ma peau, mes épaules, mes cuisses. Le bout du gode s'ajusta entre mes fesses. Il m'écartait doucement la rondelle, avant de reprendre de l'amplitude dans ses mouvements et ressortir complètement. Ça commençait pour de bon. Comme au point le plus haut d'une montagne russe, je n'étais plus maîtresse de mon destin. Un long filet de bave coulait de ma bouche. De mon cul s'échappait une série de sons grotesques sur lesquels je n'avais aucune prise. Cette situation devait amuser Charlotte, car elle s'éternisa sur ce réglage. « Putain !» me suis-je entendu dire en prononçant les deux syllabes en rythme avec la tige qui me défonçait. Comme si cette prise de parole devait être punie, le bras articulé subit une accélération soudaine. La pénétration ne devant pas plus profonde, mais plus brutale. Mon cul produisait des bruits de succion qui s'accordaient parfaitement au ronronnement décousu de la mécanique. La fucking machine accompagnait chacune de ces violentes pénétrations d'un concert de claques, de clics et autres sonorités plus sourdes. Cette perception m'apportait une conscience plus nette de ma nature mécanique, une mécanique de chair et d'os. Il avait fallu qu'on me branche sur cette espèce de locomotive à plaisir pour que je connaisse cette vérité. J'aurais voulu expliquer à Charlotte à quel point je me sentais reconnaissante. J'aurais voulu pouvoir ouvrir la bouche et lui demander d'accélérer le rythme, de mettre tout à fond, la profondeur, la vitesse et que sais-je encore quel réglage. Mais j'étais incapable de desserrer les dents, à peine en mesure de grogner. Même mon cul geignait plus fort que ma bouche. Bientôt, la grosse bite en plastique me remplit le ventre et je ne pus penser à rien d'autre qu'à m'accrocher et profiter de cette extase. Je me sentais déformée et défoncée de l'intérieur. Plus aucune autre réflexion n'occupait mon esprit. La machine ne trouvait son véritable usage qu'en sublimant la viande et je ne trouvais pas d'autre sens à ma vie que d'être ainsi l'instrument d'une volonté supérieure, aveugle et obscène. Je trouvais le courage de hurler avant de sombrer dans l'inconscience. À mon réveil, Charlotte me nettoyait le visage avec un mouchoir. « Ça n'est que du sperme, ne t'en fais pas. »« Comment ça, du sperme ? » ?»« C'est la première fois que je n'arrive pas à retenir les spectateurs. »« Tu les as tous rendus dingues. » Je n'étais pas pressée de retourner au French Fuck Theory. Je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangée. Plus que tout, je craignais le guet-apens. Et si Charlotte avait l'intention de me faire jouer devant un public plus conséquent, encore plus fou ? « J'organise une soirée privée, » m'avait-elle dit. « Un ami présentera ses créations. »« Des peintures ? » ?»« Non, plutôt des sculptures. »« Quel style ? » ?»« Si ça peut te donner une idée, c'est Iron. » Le créateur de la fucking machine qui exposera Iron comme Iron Man. Essaye de t'habiller sexy, il y aura du beau monde. Je n'avais pas perdu de temps dans les boutiques. Ma tenue était toute trouvée. La plus courte de mes robes noires, période hôtelière. Les jambes réfrigérées par le vent de mars, je ne pouvais me défaire de ce sentiment de m'afficher comme une pute dans ce déguisement. Mon passé me collait à la peau. Si un homme vous laisse payer mon cul pour la soirée, trouverais-je le courage de refuser ? Et à quel prix fixerais-je le droit d'entrée ? Ces interrogations s'évaporèrent devant l'agent de sécurité qui gardait l'entrée du sex shop. Charlotte bondit derrière Monsieur Muscle. « C'est bon pour elle !»« Merci, » lui dis-je en attrapant une coupe de champagne rosé. « Faut absolument que je te présente Iron !» Elle me tira jusqu'à un type grand, fort et musclé. Parfait cliché de chanteur de boys band. « Tu te souviens de cette fille dont je t'ai parlé ?» lui demanda Charlotte. « Celle qui a testé ta machine en début de semaine ?»« Bien sûr, celle qui rend fou, » dit-il en posant son regard sur mes chevilles. Mon cul se mit à bourdonner quand il me serra la main. « Quand il ne fait pas des cascades pour le cinéma, » reprit Charlotte à mon intention, « Iron s'amuse à concevoir des machines. » En effet, une de ses œuvres s'activait à deux pas de nous sur une grande table, habituellement encombrée de films de cul et de lingerie. J'avais déjà entendu parler de ses imprimantes 3D, mais n'en avais jamais observé en action. Avec sa manière de tisser l'objet par petites touches de plastique, elle ressemblait à une araignée métallique coincée dans un cube de Kevlar ou je ne sais quelle autre matière ultra-technologique. Sous ses coups de patte, un sexe se matérialisait dans notre réalité. L'image finale du phallus en pleine érection s'affichait sur l'écran d'un MacBook. Plus qu'une question de temps avant que la fiction et la réalité se rejoignent. Et cette superbe bite, issue des rêves lubriques du cascadeur, trouverait sa place parmi les autres bites multicolores et multiformes déjà exposées sur la table. « Plus aucune limite à l'imagination !» s'écria Charlotte, en tapotant fébrilement sur le pad, manquant de renverser sa coupe sur le clavier. Il y a plusieurs modèles au choix, Rocco Siffredi, Peter North, il y a même Rasputin et plein d'inconnus super bien membrés. Iron projette d'imprimer la bite des plus grandes stars du cinéma. « Et si je veux celle de mon mec ?» demanda une femme. Iron dit qu'avec son scan laser, il peut imprimer la queue de n'importe qui, même celle de ton chien. « Ça a l'air bien, » répondit la femme, un gode violet dans la main. « Mais moi, je cherche mieux que ça. » J'ai entendu dire qu'il y avait une drôle de bête dans ton arrière-boutique. Charlotte se tourna vers moi, encore plus belle que d'habitude. Le genre de nana qui fait se retourner tous les mecs dans la rue, même les gosses de 10 ans qui disent à leur mère « T'as vu la dame? Elle a des gros seins. » C'est sans doute ce que devait penser la femme qui lui demandait d'essayer la fucking machine. Charlotte tourna cette fois sa langue dans sa bouche de suceuse avant de me poser la question « Est-ce que je peux te faire confiance pour initier mon amie Chloé ?»« Je pense. Il faut faire ça bien, hein. Le bon dosage. On veut l'envoyer au 7e ciel, pas aux urgences. Chloé, cette demoiselle va t'accompagner. Cathy, tu connais le chemin. » Elle me toisait comme si l'on venait de me confier le secret d'une organisation terroriste. Je finis ma coupe d'un trait et la posai près d'une bite tordue selon un angle défiant les règles anatomiques. Sans l'avoir demandé, j'écopais d'une mission qui n'était pas la mienne. Je guidais Chloé jusqu'à la réserve. Nous laissions derrière nous une ambiance brumeuse et bruyante et nous immergions dans une fraîcheur toute chirurgicale. Je redécouvrais à quel point marcher avec des talons en ayant un ou deux verres dans le nez s'avérait un exercice périlleux. J'essayais tout de même d'ouvrir la porte de la salle blanche avec l'emphase d'une maîtresse de cérémonie. « Je vous en prie, » dis-je à Chloé, fausse blonde dont l'un des bras était intégralement recouvert d'un tatouage de rockstar. Pas besoin de lui présenter la machine. Son regard pétillait comme un matin de Noël au pied du sapin. L'éclat de ses yeux me confirmait que cette machine valait bien plus que toutes les bites en plastique du monde. En moins d'une minute, Chloé se débarrassa de ses vêtements et me donna à voir les tatouages qui ornaient le reste de son corps. Motifs tribaux, têtes de mort et autres messages en lettres gothiques. « Cette fille ne craint pas la douleur, » me dis-je. Sans étonnement, je vis de l'écume briller dans le fond de son string jeté sur le sol blanc. Elle mouillait avant même de s'installer sur le siège de carbone qui allait l'éjecter vers le 7e ciel. Toutes les parties de son corps avaient trouvé leur place, surtout le bout de ses doigts, aux ongles démesurément longs qui tournaient en douceur autour de son clito. Nous étions toutes les deux plongées dans un état de sidération dont je ne sortis qu'à contre-cœur. La machine ne pouvait prendre vie sans mon intervention. J'ouvris une grande valise noire et présentai à ma cavalière plusieurs godes adaptables, telle une serveuse qui proposerait de choisir un thé de luxe. « Je veux le plus long, » me dit-elle dans un souffle rauque. Ce n'était ni le plus large, ni le plus réaliste. Un simple obus d'une 30aine de centimètres, oblong, lisse et brillant de 1000 feux dans la lumière halogène. La cartouche idéale pour atteindre le deep spot et y causer un maximum de dégâts. Je sentis une présence derrière moi. Dans cet environnement aseptisé, je perçus l'odeur de l'homme avant de le voir et reconnus ses mains posées sur les miennes avant même de me tourner vers son visage. Iron m'aida à visser le gode sur la longue tige de métal inoxydable. Je lui tendis le boîtier mais il refusa. À moi d'activer la mécanique. Je démarrai les hostilités à la vitesse minimale. Dès que Chloé sentit le gode lui écarter les lèvres, elle ouvrit la bouche en grand et cessa de me jeter ses regards de supplication. Elle était la femme parfaite pour ce type d'expérience. Avec son physique de fuck doll hyper sexualisée, refaite de partout, libido hors de contrôle, elle était tout simplement conçue pour entrer en fusion avec la fucking machine. Je me retins de confier cette réflexion à Iron et mis un bon coup d'accélérateur. Je n'avais pas encore lancé la machine à fond que Chloé était prête à jouir. Je décidai de faire durer le plaisir en contrôlant le rythme et les pénétrations pour doser plaisir et frustration au plus précis. Je laissai le gode s'enfoncer aux deux tiers pour aussitôt le faire refluer comme une vague à l'entrée de sa chatte, pas complètement sortie, à quelques millimètres du clitoris percé d'un bijou en métal. Je recommençai plusieurs fois, faisant crier ma cobaye de plus en plus fort, tandis que je jouais avec le bouton. Chloé se livrait tout entière à notre jeu. Elle exhibait à la machine toute la cruauté de sa chair en festin. Son sexe, avec ses grosses lèvres charnues, m'inspirait de drôles d'idées de supplice. Je me retins de poser le doigt sur ses deux gros bourrelets de peau sombre, rougis par le feu du rasoir, et parcourus d'un tapis de porc désormais humide. Sa toison se réduisait à un ticket de métro dont quelques poils venaient chatouiller le capuchon du clito. Je n'avais jamais vu un sexe de femme sous cette forme, aussi accessible, aussi déformé par l'excitation. Ses petites lèvres semblaient pendre dans le vide, plissées comme deux fleurs fanées, cherchant à laisser la place à une autre variété de bestiole, à la couleur bien plus franche. Je réglai la machine pour qu'elle ressorte de sa chatte après chaque pénétration, découvrant à chaque va-et-vient l'ouverture du boyau dans toute sa béance. Cramoisi violet par endroits, grouillant de plissures, suintant une mousse qui empuantissait l'atmosphère. L'obscurité de son vagin rayonnait d'une vibration trouble qui provoqua en moi une certaine torpeur. Voilà ce qu'était une chatte qui avait la dalle. Et je me posais la question de mon cul. À quoi il ressemblait lorsque je répondais aux appels de sa faim ? « Oh, oh, au fond !» bégaya-t-elle. « Quelle griserie ! De posséder le pouvoir irrésistible de faire jouir, sans être bridé par la peur de mal faire. Piloter la fucking machine me donnait l'impression de provoquer des orgasmes par la pensée. Chloé aurait sans doute partagé mon avis, mais tout ce qu'elle voulait pour le moment, c'était que la bécane lui démonte la chatte. Je poussai enfin la machine à fond. Le missile allait exploser sur sa cible à la vitesse maximale. Je me retournai vers Iron en espérant lire sur son visage une bénédiction. Il avait du mal à se retenir de baver et semblait amusé par les cris rauques et saccadés de Chloé. Je lui mis le boîtier de commande dans les mains. Il ne s'en aperçut pas et c'est à peine s'il réagit quand je lui desserrai sa ceinture, presque au bord de l'évanouissement. Je venais de passer sans transition d'un plaisir purement réfléchi à une explosion sanguine. En prenant sa bite dans ma main, j'eus l'impression que d'un seul coup c'était mon corps que la fucking machine pistonnait, et injectant un sang neuf, bouillant. Plus que dans ma tête ou dans ma poitrine, c'est dans mon cul que toute cette lave se déversait. Une pipe, me dis-je, je devais bien une pipe au concepteur de cette merveille de technologie orgasmique. Sa bite m'importait peu. Sale, lourde, elle puait la pisse. Pourtant, je le suçais comme si ma vie en dépendait. On pouvait brûler tous les godes de la planète ou castrer le reste de l'humanité, ça m'était bien égal. Je voulais juste sa bite et me rendre digne de l'efficacité de sa création. Je suçais Iron en rythme, avec les encouragements véhéments de Chloé, ou plutôt j'essayais de le baiser avec ma bouche, comme disait l'une des filles dont j'avais visionné les conseils. Faire le plein de salive, onduler de la tête pour ajouter de l'effet, gémir autant que possible, maintenir un maximum d'eye contact, presser et mordre tout en aspirant, ne pas oublier de lui toucher les boules et surtout le laisser jouir dans ma bouche. Avaler était facultatif. Je caressais aussi ses cuisses et son ventre, ses muscles parfaitement sculptés, lisibles sur le bout des doigts, surtout ses abdos. Je n'avais jamais touché des abdos aussi durs, secs. Je me suis relevée pour lui lécher le ventre. La fille sur la machine poussa alors un grand cri en continu. Elle approchait visiblement de son point de rupture. Dans l'urgence, Iron me saisit la tête et ne se retint plus, tapa au fond de ma gorge, déclenchant une série de réflexes dans le pharynx jusqu'à me faire tousser tandis qu'il me remplissait la bouche de sperme. Malgré les hurlements de Chloé, je pris le temps de bien sucer, lécher, avaler, lui rendre sa bite propre et nette avant qu'il ne l'arrange dans son slip. Ensuite seulement je débranchais Chloé qui tremblait de tout son corps, à tel point qu'elle ne pouvait même plus respirer. Je pensais qu'Iron allait profiter de Chloé, mais il n'eut même pas un regard pour elle. Il m'empoigna le bas du visage et fit glisser son pouce dans ma bouche. On m'avait dit que t'aimais ça par le cul. Si tu te laisses enculer aussi bien que tu suces, on va bien s'amuser tous les deux. Je ne répondis pas et me contentai de susauter son doigt en espérant secrètement qu'il me l'enfonce, ce soir ou un autre, dans le cul. Voilà, c'était donc un nouvel extrait, un long extrait du cul de Cathy de John Black Fox. Voilà, comme ça vous avez plongé dans l'écriture, vous avez un peu plus perçu l'ambiance de ce roman porno. Et vous voyez que tous ces personnages sont remplis de vices et ils adorent ça. Vraiment, belle exploration de tout ce qu'on peut faire avec ses sens, avec son cul et jusqu'où la perversité peut nous pousser. Alors, si vous voulez vous offrir le livre pour pouvoir le lire en entier, connaître toute l'histoire de Cathy, parce qu'elle, du coup, elle va un peu plus pousser sa relation avec Charlotte, elle reverra Iron et croyez-moi, ça va être chaud. Bref, si vous voulez tout savoir sur la vie de Cathy et comment le cul de Cathy la rend toujours aussi dingue, eh bien, je vous mets le lien pour vous offrir ce bouquin sur l'article qui présente cette lecture. Donc ça sera sur mon site charlie-liveshow.com. Vous aurez également le lien vers mon Patreon si vous aimez ce podcast. Si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, le meilleur moyen de le faire, je le rappelle, c'est de devenir Patreon. Le soutien commence à partir de 1 euro par mois, donc c'est vous qui choisissez. Mais voilà, si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'encourager à continuer de plus belle, eh ben, venez me montrer votre soutien et votre amour de la lecture érotique sur mon Patreon. Le lien direct, c'est patreon.com/charlieliveshow. Sinon, par mon site charlie-liveshow.com, vous allez, sur à peu près tous les articles, retrouver le lien vers mon Patreon. Après, si vous aimez les fanclubs un peu plus olé olé, il y a aussi le lien vers d'autres fanclubs. Il y aura beaucoup moins de lecture et beaucoup plus de cul. Bref, allez faire un tour, explorez, vous verrez, il y a de quoi faire. Petite rappel, pour celles et ceux qui sont sur Patreon, vous avez les lectures érotiques en avant-première et quelques exclusivités réservées rien que pour vous. En tout cas, merci de votre écoute. C'est toujours un plaisir de vous faire la lecture. J'espère que je vous ai mis dans un drôle d'état parce que ça, j'adore. Imaginez que je vous rends complètement dingue avec ma voix nichée au creux de vos oreilles. Et moi, je poursuis mes lectures pour vous préparer de prochains épisodes de lecture érotique, toujours plus chaud, toujours plus bouillant. J'adore explorer avec vous la littérature érotique et j'adore élargir mon imaginaire et vos imaginaires érotiques. Car l'imaginaire, rappelez-vous, c'est notre plus grand pouvoir et notre cerveau, c'est la zone la plus érogène qui soit. Vous pouvez reprendre une activité normale. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. On fait rien de mal quand on écoute de la littérature érotique. C'est promis. Il faut arrêter que ce soit tabou. En vrai, ça fait du bien à tout le monde. Donc n'hésitez pas à parler de ce podcast, à le partager. Et si vous avez envie de partager vos sensations, vos témoignages, vos ressentis après cette lecture, n'hésitez pas à le faire. Les commentaires sont ouverts et sont là pour ça. Je vous rappelle l'adresse de mon site charlie-liveshow.com. Eh bien, écoute, ce podcast touche à sa fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles lectures érotiques, évidemment. Ciao, ciao, ciao.